Chalut. J'aime bien ce genre de truc là, c'est bien cool, bien sympa. Ça fait une bonne association d'électrique et d'acoustique. Dommage que j'ai plus mon violon, parce que là-dessus, je me régalerais là. Ah oui, j'adore ça, ça. Tu tires les larmes à quelqu'un avec ça. Ben, c'est un peu l'esprit de Pink Floyd, hein. Ah oui, tout à fait, là, je suis entièrement d'accord. Hein. Là, si c'est pour faire de l'esbrouf et afficher les notes à fond la caisse, là, ça passe pas. Bon, je vais aller me rouler une clope, moi. Thank you.